La 8e exposition nationale d'appareils médicaux s'est déroulée du 2 au 4 mai au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont été présentés plus de 3030 équipements, appareils et matériaux médicaux de plus de 930 sortes, mis au point par les usines, entreprises, établissements de recherche scientifique et d'enseignement de tout le pays. Le service de clôture a eu lieu le 4 mai. Y ont pris part les cadres intéressés, les fonctionnaires, les scientifiques, les techniciens, les enseignants et les chercheurs des unités d'activité participantes. À la cérémonie de clôture, la publication du résultat du jury a été suivie de la remise des prix.